2, 1, 2, 3, 4. Boum boum. Boum boum. Musique française, curieuse. Tous les mercredis, de 22h à 23h, sur Prune 92 FM. Boum boum, musique française et francophone curieuse, tous les mercredis de 22h à 23h sur Prune. Comment ça va, Jonas? Eh ben, ça va impeccable, et toi, Vincent? Ça va très bien, nous sommes en 2034 et je ne suis toujours pas lassé de ce jingle d'introduction. Faudra vraiment qu'on arrête de parler de ce jingle. Bah ouais, mais le running gag de cette saison. Il est vraiment trop bien. On va demander son avis à un spécialiste de la ligne de basse funk qui déglingue. DJ Massenzo, qu'est-ce que tu penses de notre indicatif? Bonsoir à tous, merci pour l'invite déjà. L'indicatif, Gainsbourg, c'est ça? Ouais, c'était sûr qu'il allait reconnaître. Bon, le sable chaud. Mon légionnaire, exactement. Petite Piaf à la base, je crois. Ouais, bah voilà, il a tout résumé. Spécialiste. DJ Massenzo, on t'a jamais reçu dans Boum Bomo, c'est la première, ça fait trop plaisir. Je te décrivais tout à l'heure sur Facebook comme une figure de prune. Tu animes une émission tous les samedis qui s'appelle Oldies but Goodies. Eh, hey, ça date un peu cette histoire. Ouais, 4 saisons déjà. Incroyable, ouais, 2000. Ouais. Ah ouais, seulement 4, j'aurais dit 5 ou 6. 4 saisons. Ouais. Soul, funk. Soul, funk, new disco, tout ce qui sonne bien funky, bien groovy, un peu comme vous en fait. Que du vinyle. Ouais. Et toi, t'es vinyle. Pas que français, tu t'élargis grave. Ouais, beaucoup de trucs US. Voyage, US, Japon aussi. Ouais. Japon, West Indies, Afro. Ouais. Norvège aussi. Norvège. Incroyable. Norvégienne, ouais. On essaie de voyager un peu, faire voyager l'auditoire. Voilà. On est un peu tentaculaire, on va dire. Les auditeurs de Prune voyagent. Et toi aussi, t'as pas mal voyagé avant de te poser à Nantes. Ouais, il y a eu des DJ sets un peu partout. Paris, ouais. Notamment. T'as Paris, longtemps mixé là-bas. Ouais, Paris, j'ai longtemps mixé là-bas. Je suis un ancien de la favela chic, moi, à Oberkampf. Donc ça date de 94-95. À l'époque, c'était quoi Nova qui venait nous voir. On faisait des petits sets, etc. Après, on a bougé sur le Globo, on a pas mal mixé, Alimentation Générale, j'ai tourné quoi. Full vinyle à chaque fois? Full vinyle. Ouais, t'as jamais fait le Serato à l'époque, ça existait? Ah, j'ai l'impression. Le Serato, ouais, non, ah. J'ai pas le. C'est une question de feeling, tu vois ce que je veux dire? Non, j'ai besoin de la matière, j'ai besoin de toucher le vinyle, j'ai besoin de sentir le truc. Quoi. Enfin, à l'ancienne. Ouais, non, mais c'est chacun son truc. Hein. À l'ancienne, comme ta façon de présenter l'émission, ça aussi, j'en parlais tout à l'heure sur Facebook. DJ Massenzo dans ta stéréo, il y a plein de gimmicks, il y a plein de prises de parole. Ouais, c'est un truc que tu cultives. T'es le dernier à Prune à faire ça. C'est un truc très reggae, très hip-hop d'animer. J'ai l'impression très disco aussi d'animer les DJ sets comme ça. C'est une touche anglaise. Les Anglais aiment bien parler sur les morceaux. Enfin, limite, ça sature un peu, mais t'entends la voix du mec. Enfin, tu vois, c'est. Faut que ça vive en fait. Présence à tous les breaks pour rappeler qu'on est sur Prune et qu'on écoute Oldies but Goodies. Et on va parler très vite de ton mix, mais ce soir le micro est ouvert. Si tu veux nous lancer des gros gimmicks en mode Oldies but Goodies, on serait les premiers à être ravis. Ah ouais? Grave. Massenzo, c'est bon. En direct, je l'ai invité. Yes. Je l'ai invité pour ça, je l'ai invité pour ses vinyles aussi. Qu'est-ce que tu vas nous jouer ce soir? Un peu de French Boogie, French je crois. French Boogie, ouais, tu m'as demandé de la French Boogie, donc je vais jouer de la French Boogie et je commence par édition spéciale, Monsieur Business. Yeah. Ancien Triangle, tu connais le groupe Triangle? Ouais. Voilà, donc c'est un petit 45 que j'ai digué, que j'ai trouvé bien funky. Donc, DJ Massenzo dans la stéréo. On écoute Boum Bomo, c'était pas pour la rime. On écoute Boum Bomo sur Prune jusqu'à 23h. Peut-être qu'on reprendra l'antenne au fur et à mesure. Vous écoutez DJ Massenzo. C'est parti. de qui ou de quoi j'étais venu. Inch'Allah. ingredients are here. We were brought here long ago, in the Caribbean too. But we shall not forget Africa, the motherland. Your dreams have become reality. Now, now, now, the main ingredients are here. We're one big family. We're all from the same source. Africa, Africa, your children forever. Africa, we love you, Africa. Africa.

Eh oui. Hello. Ah là là là là, merci pour l'invite les mecs. Trop cool. Ouais, c'était cool. Hein. Et mes d'amour, Malibu Limousine. C'est ça. Un hymne des soirées Boom Bobo. Au tout début, je jouais beaucoup celui-là. Ouais. Et puis après, j'ai bifurqué sur la version originale. Je crois que ça, c'est la cover. Mais l'original de Boule Noire, bien sûr, beaucoup plus lent. Hein. Ouais, bah ouais. Ça se joue pas à la même heure. Et mes d'amour. Avec le petit accent québécois de Boule Noire, irrésistible. Tu m'as tué, Masenjo, avec... ce morceau de Contact Africa qui a été qui a un track de Kassav aussi. Kassav, what Decimus, ouais West Indies Touch, grave, ouais c'était cool, ça c'était hyper cool. On retrouvera la tracklist complète dès demain sur le site de Prune, parce que nous dans Boom Bomo on met les podcasts en ligne. Ouais, je sais ça, ouais. Moi j'ai du mal à les mettre, ouais, il y a pas tous les podcasts de Oldies But Goodies. But Goodies, ça va venir les amis, c'est vrai qu'il y a beaucoup de podcasts à mettre. Bonne on les demande en plus, hein, c'est ouais vrai que... c'est vrai, on te les demande. Bonne résolution pour 2022. Pour l'année 2022. On verra. Il y a quelques belles dates qui arrivent pour toi. Je sais que le contexte est un peu compliqué pour tout le monde. Ouais, il y a il y avait des résidences à Larry Bouldingue, donc j'attends que ça tombe. Demain, Seine-Michelet. Cool. Donc ça va être sympathique. Après, ça tombe au fil de l'eau. Je les annonce lors des soirées. Voilà. Mais là, pour l'instant, c'est. C'est suspendu. On nous trouble. Suspendu pour 4 semaines. Ouais, c'est ça. Minimum. Mais bon, sortez couverts et surtout écoutez-moi sur le Disbot Goodies tous les samedis 19h20. Voilà. C'est quoi le programme pour samedi prochain, 19h? Samedi prochain, je sais pas, je vais faire funk japonais, je pense. Ouais. On va partir au Japon. T'es que vinyle, ça c'est incroyable. Ouais, ça fait 4 ans que tu joues des disques ans. Voilà, dans l'émission. Ouais, dans l'émission, ouais. C'est toi le DJ tous les samedis, tu ramènes tes scuds. Que des vinyles. Incroyable. Aucun MP3, rien du tout, que du vinyle. D'en avoir un petit paquet à la maison ? Oui, ouais, une petite collection. Ouais. Viens m'en acheter dimanche si tu veux, si t'en manques quelques-uns, je fais une vente de disques au bar 303. Oh là là, comment j'ai habilement amené ça. Agenda, je vous jure que c'était masqué. Pas préparé, ça m'est venu au dernier moment cette idée. Ouais, vente de pas, disques ouais. Et DJ set dimanche. C'est quand ça, dimanche ? 11h-19h, bar 303. Okay. De 11h à 19h, je vends des disques et sur la fin, c'est mon ami Natos qui gérera la vente de disques de 16 à 19. Et moi, je passerai derrière les platines pour un DJ set non dansant. Je ferai un truc un peu. Ouais, un peu ambiant. Un peu ambiance, voilà. Ambiance Covid, quoi. Exactement, Covid friendly. Merci beaucoup, en tout cas, pour ce mix. Les mecs. Masenjo, dans notre stéréo. On termine avec un dernier track. Qu'est-ce Congas, que c'est un petit Congas, Rockin' the Pocket. Mortel. Congas, c'est un ancien groupe de Sheeran, je crois. Ouais, c'est sur son label, en tout cas. Label, ouais, Alligator. Chamé. C'est ça. Les Congas, pour terminer cette Boom Bomo, Jonas. Merci, on ne Jonas. Se retrouve Merci. Pas la semaine prochaine, puisque c'est notre dernière de la saison. On se retrouve l'année prochaine, Vincent. On se retrouve l'année prochaine. Rendez-vous en 2022. Toujours plus de musique française et francophone curieuse. Bisous tout le monde. Ciao, à l'an prochain. Masenjo, c'est bon.